Des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, c'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 toujours, et c'est Jean-Tiens de la France à l'animation pour cette édition du 10 avril. Nous allons recevoir d'abord Anne-Sophie Homer qui, en tant que responsable des communications au Centre d'artistes en Gramme, va venir nous parler un peu de l'Encan qui se passe demain, donc un bel événement bénéfice pour ce centre consacré entièrement à l'estampe. Et cette année, c'est Lisanne Nadeau et Florent Cousineau qui ont co-commissarié cet encan-là. Donc, on va avoir le loisir d'en savoir un peu plus après la pause musicale. Ensuite, il va y avoir Audrey Demers-Roberge qui va venir nous parler du livre Roche-Plante-Mer-Bois qui vient tout juste de paraître. Le lancement était la semaine dernière. Donc, un livre qu'elle a réalisé en collaboration avec Amélie Laurence Fortin, un livre qui est édité par VU, le centre consacré à la photographie. Un livre très touffu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire, Audrey Demers-Roberge et moi. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Anne-Sophie Blanchette et Sarah Booth. Anne-Sophie Blanchet, en tant que commissaire de l'exposition Paysages Fragments, qui est présentée actuellement à la Maison Tessier, dit La Plante. Et Sarah Booth est une des cinq artistes qui est présentée au sein de cette exposition-là. J'ai bien hâte d'entendre la commissaire parler un peu plus de cette exposition que Jean-Michel René avait couvert là, au début du mois de mars. C'est présenté dans le volet Jeune commissaire de Manif d'art. Et dans quelques instants, on va écouter un des extraits de l'album From Here We Go Sublime. Donc, c'est un album de The Field, qui est un projet de musique électronique suédois mené par Axel Wilner, qui a été produit à Stockholm. C'est un album qui est paru en 2007, il y a déjà quelques temps, mais c'est un très, très bel album donc qui va mélanger des très petit sampling du micro-sample et tiré de chansons pop là, qu'on reconnaît à peine parce que c'est des très, très petits extraits avec une ambiance techno-minimaliste très, très, très ambiante. Alors, je vous laisse avec un extrait de la pièce « A Paw in My Face ». De retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi Anne-Sophie Omar qui a mis son beau veston pour manifester son chapeau de responsable des communications chez Engram. Parce que demain, c'est l'encan annuel pour financer ce beau centre dédié à l'estampe. Un encan avec... Ça fait 3 ans, je pense, qu'il y a des commissariats qui sont préparés pour l'encan. Donc, la première année, c'était... Audrey Carreau. Audrey Carreau. La deuxième année... Josiane Desloges. Et cette année... Oui! C'est Lisanne Nadeau et Florent Cousineau. Donc, un couple dans la vie... C'est vrai. et parfois dans le commissariat. Voilà, exactement. On s'est dit qu'ils allaient être parfaitement complémentaires, les deux-là, dû à leur à des pratiques différentes. Florent, qui est quand même artiste multidisciplinaire, touche à tout depuis des années, très bien connu à Québec. Et puis Lisanne, qui est alors elle aussi, elle a de multiples titres. Oui. Historienne, critique d'art, directrice de la galerie des arts visuels et enseignante. Voilà, exactement. À l'école d'art. Donc elle en connaît des artistes. Ils en ont vu passer, ils connaissent le monde de l'estampe, et puis c'était un vrai plaisir de les recevoir chez nous, d'ouvrir tous ces tiroirs avec ces milliers d'œuvres qu'on a depuis des années, parce qu'il faut rappeler qu'Engram a quand même quelques années maintenant. Oui. Et effectivement, ils ont tout ouvert, on a tout regardé ensemble, c'était un vrai plaisir de regarder. Puis ils avaient envie d'aller vers certains artistes, puis ils ont fait des belles surprises, des belles découvertes avec d'autres. Je vais te faire tout de suite une petite liste exhaustive comme ça des principaux choix que vous allez pouvoir voir demain. D'accord. On y va. Disons que je vais me baser sur... Parce qu'il y a quand même une trentaine d'artistes. Exactement, il y a 43 œuvres avec une trentaine d'artistes, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer. Je m'excuse d'avance, mais vous pouvez trouver le catalogue en ligne, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les artistes aguerris, comme Lisanne les appelle, avec Bill Vincent, Serge Murphy, Paul Lacroix, pour ne citer qu'eux, alors qu'on va avoir après des artistes de la relève, comme André-Anne Jacques, Michel Gagnon, Julie Bellavance, Émilie Bernard, qui vraiment va nous montrer plutôt une sorte d'estampe de la nouvelle génération, mais qui pourtant restent des techniques qui ont toujours existé, la lithographie, la gravure, mais la taille. Mais ça se réinvente, les techniques traditionnelles. Bien sûr, vraiment. Tu sais, c'est comme dans toutes les sortes d'art, on est allé à fond dans le numérique, puis on a l'impression qu'on en revient aussi un petit peu. Oui, puis le rendu n'est pas le même, puis on a un contact direct avec la matière, avec l'estampe. Tellement. On est au cœur de ça chez Engram, on a toujours plaisir à recevoir du monde pour en parler. N'hésitez pas à venir nous voir d'ailleurs. mais c'est ça, là, je ne cite que, mais il y en a vraiment beaucoup, comme on le disait. Oui, donc une quarantaine d'œuvres, une trentaine d'artistes, donc une grande diversité de pratiques, de sensibilités, de carrière, comme tu disais, de différents moments dans leur carrière. Et avec une quarantaine d'œuvres, on en a aussi pour toutes les bourses, là, parce que là, on parle aux collectionneurs, on en a pour toutes les bourses. Ça va commencer de, on va dire, on a des prix à 40$, 50$, 60$, puis on va monter. Je crois qu'on a des œuvres à 900$, mais effectivement, c'est pour des collectionneurs parce qu'il y a vraiment des œuvres qui sont uniques. On a des épreuves d'atelier ou des épreuves qui n'existent qu'en un seul exemplaire. On a cette chance. Puis en plus, comme tu parlais tantôt des différents moments de la vie des artistes dans leur carrière, mais en sortant les œuvres, on s'est aperçu que tu retrouves l'estampe des années 80. C'était tel style. Oui. Tu retrouves l'estampe des années 90. Et puis. Effectivement, de ressortir tout ça, je trouve que demain on va avoir des beaux trésors en fait, des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir ces derniers temps, et c'est là où c'est intéressant pour les collectionneurs. Donc ils ont fait un petit travail d'historien, Lisanne et Florent. Oui, tout à fait. Dans cette découverte là qu'ils ont fait, donc ça s'étale sur combien de temps par exemple ce travail de commissariat, d'aller fouiller chez Engram, parce que tu sais, c'est quand même long à tout sortir, et puis à aller rechercher quels artistes on veut, et puis il y a toujours aussi toute une histoire autour de l'artiste qui nous intéresse, son travail, sa carrière. Moi, je pense que si je devais placer une date, je dirais qu'ils sont dessus depuis la mi-janvier, et puis ils sont venus vraiment à plusieurs reprises, on a fait des recherches ensemble, et c'est un travail de longue haleine. Ils ont vraiment mérité d'être là, commissaire, parce que vraiment c'est un super travail. Et quand on parle de travail commissarial, j'imagine qu'on peut remarquer des différences dans les sélections qui ont été faites par dans le passé par les différents commissaires, oui, dans la sensibilité, dans les différents choix. Qu'est-ce qui, selon toi, là, va aller caractériser un peu cette sélection pour l'encan d'engramme faite par Lisanne Nadeau et Florent Cousineau? J'ai l'impression que, effectivement, déjà, t'as toujours un petit peu cette base de goût aussi, de choix, oui, personnel, oui, qui va vraiment orienter le travail. Mm-hmm. En tant qu'historienne de l'art, elle a vraiment, je dis elle, mais il en fait, les deux ensemble, mm-hmm, ont vraiment été chercher des choses qui ont peut-être moins été demandées les dernières années, parce que peut-être des choses, je dirais pas un peu moins connues maintenant, mais peut-être moins dans la vague du moment, ouais, aussi, tu sais. Oui, donc tu parlais tout à l'heure, on retrouve les stand des années 80, on, oui, retrouve les stand des années 90. Il y a l'âge des commissaires qui jouent, oui, aussi. Hein, qu'ils l'ont vécu. C'est ça, ils l'ont vécu, ils ont ouais, connu cet art-là, exactement, ces artistes-là. Ils ont côtoyé ces artistes, ils étaient au vernissage de ces artistes, mm-hmm, et puis pour eux, ça a une valeur, puis c'est la même chose que pour les commissaires, les collectionneurs qui pourront être là demain, oui, présent, parce que effectivement, c'est un choix qui porte sur des années, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça que eux ont partagé, que eux ont connu, et puis ça vient aussi effectivement de moments de vie qui ressortent dans ces moments-là, et je trouve ça fort. Et c'est Ludovic Fouquet qui va être à l'animation? Oui, tout à fait, oui. Non, tu dis pas de bêtises, je te regardais bizarre, mais oui, c'est vrai. Donc la soirée va être bien animée. Tu parlais tout à l'heure de boucher. Oui, alors on fait ça bien parce qu'on vous attend dès 17h. Oui. On a des petites bouchées, on a un bar, parce que c'est toujours très sympa que les artistes, le commissaire, les invités, tout le monde puisse parler, parce que vous allez venir voir un encan, mais vous allez pouvoir discuter avec les artistes qui ont créé les œuvres. Oui. C'est vraiment des rencontres face à face autour d'un petit verre, c'est un moment très convivial. Mm-hmm. On va commencer vraiment l'encan en tant que tel à 18h. Puis le rythme est effréné, on est excité, on lève son panneau, son numéro, et puis on rajoute 10 dollars, puis on veut cette œuvre, et on réinsiste, puis on se laisse aller au jeu. C'est génial. Oui, oui, il y a de l'adrénaline, oui, qui flotte dans l'air dans les soirées d'encan. Donc c'est demain, le 11 avril, à 17h. À partir de 17h, l'encan commence à 18h, c'est, oui, ça? Oui, on prend les inscriptions à 17h. Et c'est aux ateliers du, oui, réacteur. Oui, chose importante, c'est pas en gramme, attention, oui, on va flécher le parcours, mais c'est bien aux ateliers du réacteur. Il y a un peu plus de place, puis c'est convivial, on aime ça. Oui, un petit cachet, là. Donc, oui, c'est au 731 rue de Saint-Vallier Est. Mais je te remercie beaucoup, Anne-Sophie Omer, pour merci, Jean-Tienne, cette belle présentation de l'encan d'engramme, et j'en profite pour te souhaiter bon anniversaire publiquement. Youpi! Merci! Et nous, on va écouter un extrait de la pièce Everyday. Alors, c'était un extrait toujours de l'album From Here We Go Sublime de The Field. Et j'ai avec moi, en studio, Audrey Demers-Roberge. Bonsoir. Allô. Audrey, tu viens de sortir un livre en collaboration avec Amélie Laurence Fortin, un livre qui s'intitule Roche, plante, mer, bois. Je me force à chaque fois pour pas dire roche, papier, ciseaux. d'abord, donc, c'est un livre que vous avez fait en collaboration. Vous avez mélangé vos pratiques carrément dans ce livre-là. D'où vous est venue d'abord l'idée de cette collaboration pour faire un livre, Amélie Laurence et toi? En fait, ça vient d'Amélie qui est apparue à un moment donné sur mon Facebook. Puis qui me dit « Salut, on se connaît pas, on a plein d'amis en commun, on fait des choses qui se ressemblent, est-ce que tu veux faire un livre? » Ça, c'était en 2014. Oh! Puis c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. J'ai répondu « Oui, faisons un livre. » Donc, l'idée première, elle date de 2014. Là, 2014, ça fait quand même un certain temps. Oui. Là, que l'idée a germé et a fait son chemin, que la fleur a pu fleurir. Et si on revient au titre, roche, plante, mer, bois, on est vraiment dans les aliments naturels. On est aussi dans l'énumération. Pourquoi avoir choisi ce titre? Vous avez sûrement eu d'autres idées. Pourquoi votre idée s'est arrêtée sur roche, plante, mer, bois? En fait, il n'y a jamais vraiment eu d'autres titres. Ça s'est vraiment développé rapidement. Puis on a perçu ces trois mots-là, ces quatre mots-là, pardon, comme des ensembles qui nous permettraient d'aller regarder à travers notre pratique à peu près des 10, 12, 15 dernières années presque. Ouais. Fait qu'on a vraiment utilisé chaque élément pour structurer ou même juste ramasser du matériel intéressant. Exemple, on a réalisé justement qu'on avait comme plein de fascinations communes. Mm-hmm. C'est juste qu'on les a pas vécues en même temps. On était toujours en espèce de décalage. Comme pour la plante, Amélie a fait un herbier toxique dans sa pratique. Moi, j'ai fait un herbier que j'appelle l'herbier de la malade, où dans le fond, j'étais à l'hôpital et à chaque jour, je dessinais une plante. Mm-hmm. Donc, vraiment pas relié du tout. On se connaissait ce lien santé et plante. Le toxique, le malade, la maladie. Mais surtout l'herbier. Oui, c'est ça, l'herbier. Ouais. La roche. On est un peu des fanatiques de roche. D'ailleurs, c'était comme l'espèce de thème qui pullulait avec beaucoup de matériel. Mm-hmm. Fait qu'à travers la roche, on a passé à travers la montagne. Elle, surtout par, mettons, l'alpinisme. Même un peu la mort à travers l'alpinisme. Moi, le sublime un peu déchu de la montagne. Le fait qu'elle est devenue super accessible, plus facile d'atteinte, le volcanisme, on s'est super intéressé à des phénomènes naturels un peu destructeurs. Les roches, on a des collections, des réelles collections de roches qu'on a faites. Ouais. Certaines que j'ai ramassées en Arctique, par exemple. Mm-hmm. On a aussi des photos au microscope de lames minces de roches qui proviennent de ma sœur qui est géologue. Mm-hmm. Fait que pour la roche, c'est ça. On a comme un thème caché. Qui n'est pas dit. Donc, un sous-thème de la roche? Non, un sous-thème de, comme du livre. On aurait pu ajouter un cinquième mot, mettons. OK. Mais on ne l'a pas fait. Est-ce que tu vas le révéler comme ça au grand jour au micro de l'aérospatiale? Je le révèle maintenant et c'est la glace. La glace. Oui. Et puis ça, est-ce que c'était quelque chose que vous saviez déjà avant ou qui s'est découvert quand vous êtes mis à réexplorer vos pratiques, refouiller dans vos archives? Ben, tu sais, comme entre 2014 jusqu'à 2018, mettons, notre pratique évolue. Puis à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de choses reliées à des environnements arctiques ou même juste la nordicité, le froid. Fait que de plus en plus, il y avait certains matériels reliés à la glace, mais on l'a pas ajouté. On s'est dit que c'était comme un peu évident, Après ça, on a le bois, puis moi et Amélie, on a fait du planting. Amélie, plus sérieusement que moi, j'ai fait un été, puis j'ai fait plus jamais. Mais déjà de le faire une fois, on en a vécu l'expérience, puis on en a déjà une connaissance qui est plus grande que quelqu'un qui l'a jamais fait. Oui, c'est effectivement, sûr. Puis c'est une expérience assez extrême, je te dirais. Oui. Mais tu sais, j'ai l'impression que un autre élément qui vous joint dans vos pratiques, Amélie Laurence et toi, Audrey Demers-Roberge, c'est que vous allez chercher aussi de ces expériences un peu extrêmes qui vont vous sortir de votre confort, là. Oui, ben, il y a beaucoup de résultats ou même des carnets d'expédition, des dessins réalisés dans des carnets pendant des treks, des expéditions. Amélie, elle est partie en kayak souvent. Moi, j'ai fait plus des treks. Elle est plus sur l'eau. Moi, je suis plus sur la terre. Trek en Islande. Donc, quand on parle d'un trek, c'est pas une sortie d'une journée, là. On part plusieurs jours. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, avec des guides, bon, j'ai traversé, mettons, un glacier, avec des crevasses, des choses comme ça. C'était assez impressionnant. Puis, tu sais, on aurait pu aussi avoir le thème du voyage, mais c'est comme si le voyage a pris une notion un peu différente à travers le temps, est devenu un peu plus comme accessible. Tandis que notre voyage à nous est assez, terrain extrême, puis des fois en survie. Fait que c'est ça. Ouais. On n'en parle pas, mais c'est là, ça existe. Et donc, on a parlé de roches, on a parlé de plantes, on a parlé de glace. Oui. Et la mer. La mer, oui. Tu parlais d'Amélie Laurence Fortin qui a fait beaucoup d'expositions longues en kayak. Oui. Pour toi, la mer, Audrey Demers-Roberge. Elle, clairement, c'est être dessus. Oui. C'est vraiment la vivre. Moi, je suis un petit peu plus loin. Je suis plus sur le rivage. Oui. Sans mal de mer. sans animaux extrêmes, des baleines et des trucs comme ça. fait que plus, moi, je reviens à la glace, mais il y a aussi le sable, les petits organismes marins. Puis, on a aussi des monstres marins dans notre livre. Ce qui m'amène à te dire qu'on a aussi beaucoup d'humour dans le livre et on a deux dessins lettres, dont dessins lettres. Là, il faut qu'on prenne les presque 250 pages d'images et qu'on parte à la recherche de ces deux dessins lettres. Oui. Oui. Malheureusement, je peux pas te dire c'est quoi la page. Parce qu'il n'y a pas de pagination. Il y a une pagination, mais pas toujours. Donc, il faut comme compter à partir de la pagination. C'est bon. fait qu'il y a un dessin lettre d'Amélie qui est comme un monstre marin sur fond noir avec des couleurs. Moi, mon dessin lettre, c'est une petite plante que j'ai dessinée en Arctique. On le voit dans un carnet, puis on dirait un peu le dessin d'une adolescente de 15 ans. OK. Donc, ce livre-là, Roche, Plante, Marbois, on le disait, il a été édité en collaboration avec Vue, qui est un centre d'artistes consacré à la photographie, qui depuis quelques années édite comme ça des livres photos. Mais ça, c'est pas un livre qui est seulement photo. Non. Vous avez pas des pratiques qui sont ancrées dans la photographie. Est-ce que vous avez fait une exploration du médium photographique au travers de ce livre-là? Est-ce que vous avez un peu tiré le naturel pour vraiment comme mettre de l'avant plus un côté photographique de vos pratiques? Clairement, je pense qu'on peut le déterminer un peu comme un livre photo, ce livre-là, parce que c'est majoritairement des images. La photographie, je pense qu'elle a... T'sais, on a des pratiques assez multiples, on touche à plein de médiums, fait que t'sais, on passe à travers la photographie, mais par petites doses dans notre historique. Mais il faudrait vraiment parler des textes d'Isabelle Godet-Labine qui sont dans le livre. OK, on est au moment de la pause publicitaire. OK. Donc, on va prendre une pause publicitaire. On va parler brièvement des textes après. CKRL. Communication, culture. CKRL tient à remercier tous ces artistes bénévoles et auditeurs qui ont contribué au rayonnement et à la réussite du Radiothon. C'est grâce à votre implication et votre dévouement que CKRL fait rayonner tous les arts médiatiques et poursuit sa mission de communicateur dans la grande région de Québec. Merci à nos porte-paroles Michael, du magasin Audiolite, et de l'auteur-compositrice-interprète Salomé Leclerc. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction, et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Connaissez-vous le magazine Continuité? C'est une revue qui s'intéresse aux traces du passé, qu'il s'agisse de bâtiments, d'objets ou de documents. Ces témoins se trouvent au cœur d'histoires passionnantes que le magazine raconte avec enthousiasme. Continuité traite aussi des paysages et de l'aménagement du territoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. En plus de faire découvrir ce riche héritage, le magazine aborde les enjeux d'actualité qui le touchent. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le patrimoine québécois, le magazine Continuité est pour vous. Au bar, le concert à Lévis, c'est notre mon oncle Serge est en spectacle. Ben oui, vendredi le 19 avril, mon oncle Serge va être en spectacle au bar Le Corsaire à Lévis pour vous chanter des extraits de son dernier album Réchauffé. Il nous fait chier, le pape au sirote. Tout le monde s'engueule, fuck out. Bon, c'est un peu décousu, mais ça donne une idée. Bref, mon oncle Serge en spectacle, vendredi le 19 avril. Au bar Le Corsaire à Lévis. Le 11 avril, 19h, ne ratez pas la prochaine soirée Pitchakucha Québec, présentée au Musée de la Civilisation à l'occasion de la Semaine numérique de Québec. 12 personnalités de tous les univers créatifs relèveront le défi de présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes à l'aide de 20 images qui, elles, resteront à l'écran 20 secondes chacune. Au programme, Marc-Antoine Cafaneuf, Philippe Bourque de Poulet Neige, David Massicotte de Noctura, Colin Niès du Musée de la Civilisation, le metteur en scène Émile Beauchemin et plus encore. Le 11 avril, 19h, venez faire le plein de créativité et pas d'excuses, c'est gratuit. Pour plus d'informations, suivez Pitchakucha Québec sur Facebook. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Retour à l'aérospatiale. Audrey Demers-Roberge nous parle de du livre Roche, plante, mer, bois. et donc c'est un livre principalement de photos. Il y a également des dessins, mais il y a un texte aussi qui est comme inséré dans un autre format en plein centre du livre. Est-ce que tu veux nous parler de ce texte? C'est pas toi, Audrey Demers-Roberge, ni Amélie Laurence Fortin qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est un beau petit livret métallique, il faut le regarder à la lumière. On a 7 poèmes de Isabelle Godet-Labine, qui est une poète de Montréal. Les 7 poèmes proviennent d'un recueil qu'elle a écrit qui s'appelle Pangée. Donc aux éditions La Peuplade, je crois. Oui. Pour ceux qui connaissent pas la Pangée, c'est comme le super continent quand tous les continents étaient reliés un sur l'autre, un à côté de l'autre, avant de faire la dérive des continents puis de ressembler à la Terre aujourd'hui. Donc, dans le fond, Isabelle, elle amène une espèce de touche de l'histoire de la planète, mais aussi comme l'histoire humaine avec les hommes des cavernes et tout. Puis elle amène vraiment comme la dimension humaine au livre. Parce que nous autres, on reste toujours un peu comme dans la nature, de loin, où ouais. notre relation à cette nature-là, ou même la science, mais on voit très rarement l'humain à travers. Oui, à part vos présences peut-être parfois, mais c'est vrai que l'être humain est très, très, très évacué de cette imagerie-là qu'on retrouve dans le livre « Roche, plante, mer, bois ». Et vous n'avez pas seulement une auteure invitée, vous avez également quelques artistes invités, en quelque sorte. Oui, trois artistes invités, c'est des amis à nous. Dont Yannick Zamoyski de Pologne, mm-hmm. il y a une image de la mer, Patrick Cruz, une petite image d'une petite feuille qui crie, qu'il va falloir trouver. Puis Pilviquetto, une image vraiment des glaces à Terre-Neuve. Ouais. Donc le thème caché du le livre. Le thème caché du livre. Fait que c'est une grosse collaboration, ce livre-là, en fait. Oui, oui, oui. Donc une collaboration entre toi, Audrey Demers-Reberge, et Amélie Laurence Fortin. Une collaboration également avec Vue, qui a travaillé à l'édition, et une collaboration avec des artistes, une auteure. C'est un très bel objet. On peut se le procurer directement auprès de vous, les artistes. On peut se le procurer auprès de Vue. Dans Méduse. Il y a aussi quelques livres en consigne à l'œil de poisson, à Montréal à Art Prime. Mm-hmm. Aussi dire que ça a été financé en partie aussi par Première Ovation. Merci Première Ovation. Ouais. Aide à la publication. Ben, merci beaucoup, Audrey Demers-Reberge, d'être venue nous parler de ce très, très beau livre. Et nous, on va prendre une petite pause musicale avec un extrait de la pièce Silent. Et au retour, c'est Anne-Sophie Blanchet et Sarah Booth qui viennent nous parler de l'exposition Paysages Fragments. Alors, c'était toujours un extrait de l'album From Here We Go Sublime du projet The Field, donc une belle ambiance minimale pour cette édition de l'aérospatiale. Et j'ai avec moi en studio Anne-Sophie Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Et Sarah Boud, bonsoir. Bonsoir. Je vous rencontre pour parler de l'exposition Paysages Fragments. Donc Anne-Sophie, tu es commissaire de l'exposition et Sarah, tu es l'une des 5 artistes à avoir été invitée dans cette exposition-là. Et c'est présenté à la Maison Tessier dit La Plante, qui a commencé à faire de la diffusion en art visuel quand même assez récemment, je crois. Oui, je pourrais pas vous dire exactement quand, mais c'est une question de quelques années, trois ans. Et c'est un lieu donc patrimonial, c'est une maison ancienne, c'est une ambiance particulière, c'est un cachet. Comment Anne-Sophie Blanchet a réfléchi l'intégration, si on veut, des œuvres dans un lieu aussi loin du cube blanc que ça? Oui, ben en fait, ça avait un défi certainement, mais aussi bien des avantages. Ouais. Donc, moi, avant de faire l'exposition là-bas, j'y avais été une seule fois pour voir une autre exposition, là, justement, dans le cadre de leur redirection de mandat. Ouais. J'avais été séduite par la maison en tant que telle. C'est un peu comme Amel Bruno, ça a un cachet un peu domestique. C'est segmenté, on sent que c'est une maison, on a une pièce, des pièces séparées. Puis, c'est en revisitant revisitant la maison en tant que telle que je me suis mis à réfléchir comment qu'on allait habiter les lieux. On a 5 pièces bien définies, donc je me suis dit pourquoi pas une exposition collective, et j'avais envie d'offrir une pièce par artiste. Là, la thématique très générale de Manif d'art neuf, c'est la situation de l'homme dans son monde, dans son environnement, entre le ciel et la terre. Donc, on peut s'intéresser à la question du paysage, notamment, en abordant cette thématique-là. Et c'est vraiment cet angle d'approche que j'ai décidé d'adopter. Donc, chacune des pièces, dans ma tête, c'est présenté comme une fenêtre ouverte sur un petit paysage, et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé les artistes. Je leur ai dit, vous avez une pièce à vous, je souhaite que vous reconstruisiez un petit paysage selon votre posture. Donc, invitez les spectateurs à traverser vos œuvres et à ouvrir le regard sur un paysage. Donc, c'est en quelque sorte des commandes un peu commissariales que tu as fait auprès des artistes. Fais, OK, voici ton espace, occupe-le avec une œuvre. Oui, mais en fait, j'ai travaillé un peu différemment de ce que je fais habituellement. Mm-hmm. Habituellement, je pars vraiment d'une sélection d'œuvres, puis je vois quel est le fil rouge qui pourrait les relier. Donc, je pars d'abord et avant tout des artistes et de leurs œuvres. Dans ce cas-ci, j'ai pensé en fonction du lieu. J'ai choisi des artistes qui, je pensais, pouvaient être intéressés et stimulés par cette proposition-là. Et je leur ai proposer un petit texte à saveur poétique en disant, est-ce que ça vous inspire et est-ce qu'on peut travailler ensemble à développer une exposition qui va tisser son propre fil rouge, en fait. Ah, c'est fascinant. Et donc, on a Sarah Boat ici en studio avec nous également. Donc, Sarah Boat, toi, ton œuvre, tu t'es fait attribuer, si on veut, une pièce qui est dans le toit. C'est une mansarde. Non, c'est pas une mansarde, mais je me souviens pas comment on appelle ça. Dans le grenier. Oui, dans le grenier. En quoi cette pièce t'a inspiré pour l'œuvre que tu présentes dans l'exposition Paysages Fragments? C'est sûr qu'à comparer au rez-de-chaussée, au grenier, on a l'impression que c'est plus haut. Donc, j'avais vraiment le goût de faire une suspension, quelque chose qui était suspendu dans l'espace. Aussi, la circulation, les murs qui étaient épais, il y avait vraiment une ambiance Il y a une trouée aussi entre les pièces. Oui, c'est un peu atypique, là. Ouais. Oui, vraiment, avec la vitre, c'est vrai. Qui est dans le fond avec l'escalier au centre. Qu'est-ce qui m'a inspiré la pièce? Mais c'est plus les artistes, en fait, que le lieu. Le lieu, il y avait vraiment chaque pièce, mais c'était la situation de... On est cinq femmes? Cinq femmes. Cinq femmes. On est cinq femmes. Je trouve ça assez cool. Tous des sculpteurs, si on veut. Il y a tout du trois dimensions. Oui, c'est quelque chose qu'on avait nommé avec Jean-Michel René. Il y a quelque chose de très sculptural, installatif évidemment, mais de très sculptural dans les différentes pratiques qui sont présentées. On n'a pas encore nommé les artistes. Oui. Je vais prendre un moment pour les nommer. Oui. Marie-Fort Bélanger, ça a bout de toi. Sylvie Cloutier, Isabelle Demers et Amélie Proulx. Donc, Sarah-Beau, toi, tu partages, si on veut, le grenier. D'un côté, c'est toi, et de l'autre côté, c'est Marie-Fauve Bélanger. Mm-hmm. Donc, en quoi ce voisinage avec le travail de Marie-Fauve est venu alimenter, si on veut, ta pratique? Moi, je trouve qu'il y a un énorme contraste, là, premièrement, qui est vraiment intéressant. Il y a quelque chose de très léger, de très texturé, de très aérien dans ta pratique, ouais. Alors que les pièces de Marie-Fauve sont j'ai de la misère à trouver mes mots, mais tu sais, sont très colorées, sont très sombres, puis il y a quelque chose de plus lourd aussi dans sa pratique. Oui, vraiment. Puis dans le rock, là. Tu parlais de quelque chose de plus sombre. L'œuvre de Sarah Booth est... je dirais, est en noir et blanc d'abord. C'est des œuvres papier qui jumellent la gravure, des œuvres que... Toujours une grande sensibilité dans le travail de Sarah Booth. Et je trouve que dans cette pièce-là particulièrement, elle est magnifique. C'est une enfilade de portraits déformés, un portrait de femme d'ailleurs, donc c'est intéressant pour ça. Et l'œuvre est principalement blanche et ça forme une espèce de croissant suspendu au plafond, une arche, un peu comme un corps qui se replie. Et à contraste, les œuvres très assumées, j'ai tranchante en tête. C'est un peu le champ de terme. C'est anguleux, de fragments noirs. C'est très noir aussi, l'installation de Marie-Fauve, colorée avec des petits punchs jaune fluo. Donc, c'est deux esthétiques qui sont... très différente. Et encore là, ça devient intéressant dans l'optique que c'est une exposition collective, de voir à quel point des artistes peuvent aborder un même thème de façon tout à fait différente, mais en même temps, ces deux œuvres-là dialoguent très bien ensemble. Oui, ben c'est ça, on est comme devant la lune, le soleil, le jour et la nuit, donc il y a vraiment comme une espèce de dualité qui s'installe comme ça à l'étage. Et au rez-de-chaussée, c'est le travail de Sylvie Cloutier, Isabelle Demers et Amélie Proulx qu'on retrouve. Là, ici, on n'est pas dans un face-à-face, dans une dualité. Comment, en tant que commissaire, Anne-Sophie Blanchet, t'as réfléchi l'attribution des pièces, comment tu as réfléchi les différentes pratiques, comment elles peuvent cohabiter dans ces espaces-là? Encore là, ça s'est fait un peu de manière intuitive et très collaborative avec les artistes. Ça a été ma démarche dès le départ et les artistes ont embarqué dans le jeu, je dirais. Quand on rentre dans la maison, on rentre face à la première pièce qui est habitée par l'œuvre de Amélie Proulx, qui est un monochrome blanc. C'est deux autels blancs avec des crânes, des feuillages épinglés délicatement au mur et des boules disco. Donc, c'est une espèce de vision de la nature morte, de la vanité contemporaine. Ensuite, on entre dans une petite pièce sombre où est-ce que Sylvie Cloutier a vraiment étudié l'éclairage pour créer une ambiance un peu théâtrale. Oui, on est dans le clair-obscur. Carrément. Et l'univers du domestique aussi se révèle à travers ça. C'est une sculpture qui récupère quelque chose qui fait penser à un petit tabouret ou à une table sur laquelle l'artiste est venu poser un amas de racines de papyrus, la plante. Mm-hmm. Et déposer délicatement des petites gouttes de rosée en résine transparente sur chacune des tiges de ce papyrus-là qui est mort. Donc là, on ne sait pas si c'est une plante qui est effectivement morte ou est-ce qu'elle attend, elle sommeille et elle va reprendre vie au printemps. Mm-hmm. C'est intéressant avec l'hiver qui... Oui, retrouve un peu de ça aussi dans le travail d'Isabelle Demers. Et finalement, arrive avec l'œuvre d'Isabelle face à une grande installation en céramique qui représente une forêt qu'on pourrait croire décimée par le feu. Donc, c'est des arbres abougris noirs. Mm-hmm. Ça contraste avec le monochrome blanc d'Amélie Proulx. Mais en même temps, l'installation d'Isabelle, même si elle est sombre au premier abord, on s'intéresse ensuite aux petits écureuils, aux papillons qui se cachent dans les troncs d'arbres. Et là, ça devient beaucoup plus lumineux. C'est comme, encore une fois... en dialogue avec l'œuvre de Sylvie Cloutier, comme une nature latente qui reprendra éventuellement vie. Ouais, oh oui, donc on est dans le revival en tête, mais la renaissance. Oui, absolument. Dans ces œuvres-là. Et le titre de cette exposition-là, c'est Paysage fragment. Donc c'est vraiment une réflexion autour de la nature fragmentée qu'on retrouve là-dedans, Anne-Sophie Blanchette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont cette réflexion-là a fait son chemin au fil de l'organisation de l'exposition? Oui, mais en fait, je suis partie d'une réflexion sur le paysage d'un point de vue de l'histoire de l'art. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'un paysage du point de vue de l'histoire de l'art? C'est une nature qui est construite. Donc, c'est vraiment on a encadré une certaine section de cette nature-là et on décide de la représenter ou de la diffuser de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que d'abord, le paysage, c'est la perception de celui qui le regarde. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai pensé le fragment, dans le sens qu'on n'est pas face à un paysage unique, une seule conception du paysage, mais vraiment à travers une multitude de points de vue. Et ces points de vue-là, c'est les points de vue des 5 artistes que j'ai invités. Et de chaque personne qui Absolument. Se trouve à visiter l'exposition. Et de la réinterprétation des visiteurs, bien sûr. Oui, oui. Et donc, le Sarah Booth, si on revient un peu à ta proposition, on va profiter de ta présence. C'est une enfilade, comme le disait si bien Anne-Sophie, c'est un terme très bien choisi. Donc, une enfilade d'impression d'estampe. Mm-hmm. Et il y a comme un exemplaire qui se retrouve au mur. Oui. Qu'est-ce que tu voulais venir chercher dans cette espèce de dialogue entre quelque chose de plus littéral et mm-hmm. quelque chose qui est pris vraiment pour sa matérialité? Il y avait un petit côté, je veux dire égoïste, là, il doit avoir un autre mot, là, mais il y avait un côté vraiment agréable, juste de l'expérience de monter cette œuvre-là. Centrale, là, la 3D. Tout simplement, moi, je travaille souvent au sol, je grave au sol, j'imprime au sol, vraiment avec mon corps à place avec la presse. Oui. Puis, pour moi, ça faisait tellement du sens, puis je voyais tellement que c'était logique qu'on voyait les portraits, parce que quand on se promène en dessous, autour, on voit quelquefois des yeux, des parties. Des fragments. Mais pas, je savais pas si c'était si évident du côté du spectateur, puis j'avais pas vraiment demandé dans mon atelier, j'avais pas demandé aux gens, est-ce que vous le voyez, qu'est-ce que je vois, ou mm-hmm. c'est juste moi qui en ai imprimé des centaines que je vois les visages de chaque impression. Mm-hmm. Donc après ça, je me suis dit, ben pourquoi pas faire un lien avec cette gravure-là que j'ai imprimée 150 fois pour faire, puis on la voit pas tout de suite aussi. Ouais. C'est aussi qu'est-ce qui est important. En entrant, on la voit pas d'emblée, c'est en faisant le tour qu'on fait, ah, il y a quelque chose. Ah, et puis il y a peut-être un lien, mm-hmm. mais au début, c'est je veux qu'on explore cette sculpture au centre, puis qu'on fasse le tour, puis que je trouvais parfait la circulation de quand on se retourne, on peut voir, OK, c'est ça, c'est une des impressions, une des gravures. Et des matrices. Peux-tu lui parler? Je parlais de texturé tout à l'heure, mm-hmm. parce que le papier est très épais, très texturé. Est-ce que c'est un papier que tu as fait toi-même? Oui, oui. Avec des anciennes œuvres. Ah. Donc, j'ai recyclé. Oh, wow. Ça aussi, c'était comme on dirait que j'ai mis comme plein de rêves ensemble. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Fait que jusqu'à la fin, ben, j'imprime sur du papier qui, justement, c'est plus réaliste. Là, on ne voit plus les portraits. C'est tellement texturé, c'est impossible à voir, finalement. Donc, il y a un peu de tout, mais ouais, ça devient de plus en plus 3D, puis c'est aussi mon inspiration avec tous ces artistes-là autour de moi qui sont beaucoup plus 3D. Ouais. Je me garde, puis j'avais 3D. Mais en tout cas, c'est une très, très belle exposition. Anne-Sophie Blanchet, Sarah Booth et les quatre autres artistes également, Marie-Fauve Bélanger, Sylvie Cloutier, Isabelle Demers, Amélie Proulx. C'est présenté jusqu'au 21 avril. Oui. À la maison Tessier, dit La Plante, c'est à Beauport, très accessible par autobus également pour les piétons. Mais je vous remercie de vous être déplacé ici en studio pour nous parler de cette exposition. Nous, on va prendre une petite pause audio avec la pièce Mobilia. Et au retour, ça va être l'agenda de la semaine. Merci. Merci. Alors, c'était un extrait de la pièce Mobilia de l'album From Here We Go Sublime, du projet The Field, donc un album, comme je l'ai dit en début d'émission, paru en 2007. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde des arts visuels à Québec? D'abord, ce soir, il y a le vernissage de Fugitif, donc un projet orchestré par Webster autour de la question de l'esclavage, du racisme, avec des illustrations de différents illustrateurs et illustratrices. Il y a également toute la semaine, dans le cadre de Pop Numérique Québec, plus de 200 activités gratuites pour tous les âges. C'est du 4 au 14 avril. Notamment, il y a les bornes numériques, donc documentaires, capsules vidéo et web-séries qui sont présentées à la Bibliothèque Roy, mais également des pop-up de films en 360 qui sont présentés par Spira dans le hall du Musée national des beaux-arts du Québec du 11 au 14 avril. Beaucoup à faire. Là. Allez consulter Pop Numérique Québec pour voir tout ce qui se passe cette semaine. Demain, on en parlait tout à l'heure, c'est l'encan d'engramme à partir de 17h aux ateliers du réacteur. À 18h, ça va être le vernissage de Rassemblement familial de l'artiste Ludovic Bonnet qu'on va recevoir la semaine prochaine, donc qui expose à la Galerie des arts visuels. Il va également y avoir une soirée Pechakucha Québec sur le thème de l'objet au Musée de la civilisation. C'est à partir de 19h, demain toujours. Vendredi, il va y avoir la présentation de Résidence de Louis-Robert Boucher et Franck Soudan, c'est à la Chambre Blanche à partir de 5h. Il va y avoir également au Salon international du Livre de Québec une table ronde sur les revues culturelles comme lieu d'analyse et de critique. Samedi, c'est le 25e anniversaire du calque au Musée national des beaux-arts du Québec à partir de 16h. Il y a également le grand ramène ambitieux qui va avoir lieu au lieu à partir de 18h, donc une fusion entre le collectif Ambitieux et le collectif Ramen. Ensuite, samedi dimanche, ça va être l'exposition des finissants en ébénisterie du Centre de formation professionnelle de Neuchâtel. C'est au 3400 avenue Chauveau. Mercredi prochain, soirée VIP et clôture de l'encamp bénéfice de Manif d'art 9 à partir de 18h au Musée national des beaux-arts du Québec. Et il va y avoir également le vernissage dimanche de l'exposition dans le Jardin des secrets de Judith Cameroun à la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. C'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition Hasard de Justine Scahan à la Galerie A. Et je vais terminer l'émission en remerciant Anne-Sophie Homère, Audrey Demers-Roberge, Anne-Sophie Blanchet et Sarah Bout, mes invités. Merci à Jacques Gignac, le Diego Riviera de la mise en onde. Et c'est Pierre Blais qui est en studio. Bonjour. Bonsoir, Pierre. Oui. Je vais finir par m'habituer à nos belles petites transitions entre les émissions. Mm-hmm. Et ce soir, c'est Mad Dog Labine qui fait partie de vos sujets. Oui, film québécois qui est sorti la semaine dernière à Montréal et qui arrive à Québec finalement après-demain, vendredi. Précédé d'une belle réputation. Film spontané, docu-fiction. Qu'est-ce que ça veut dire? On mélange le documentaire et la fiction. Et ça a été tourné où, ce film au nom étrange? Dans le Pontiac. C'est où le Pontiac, Jean-Pierre? C'est en Outaouais. C'est collé sur la frontière avec l'Ontario, et c'est des enfants, des ados, des acteurs non professionnels qu'on retrouve dans ce film-là. Entre autres, oui. Absolument. Et c'est eux qui donnent une fraîcheur à Madame Glabine. Donc, on va avoir les commentaires ce soir de Catherine Pelletier qui va davantage nous en parler. Ben, merci beaucoup, Pierre Blais. Et je vous dis au revoir. On a...